Bienvenue tout le monde, vous êtes dans votre émission favorite, ou si elle ne l'est pas encore, elle le sera assez rapidement, on l'espère. C'est la voix des guerriers qui s'entame pour une édition très intéressante, comme ça l'est toujours. C'est toujours le cas pour les habitués, vous le savez, on est bon. Et aujourd'hui, quelques bons sujets à parler avec vous. Évidemment, on va vous présenter la fameuse carte du UFC 104 qui aura lieu à Los Angeles. Mais avant ça, on aura quelques résultats à fournir, dont un événement qui a eu lieu au Québec hier, au centre Claude Robillard. Et quand je dis hier, c'est le samedi 17 octobre. Alors, un événement qui a eu lieu au centre Claude Robillard, le premier événement de la toute nouvelle organisation MFL de Dirk Waterburn. Excusez pour la prononciation. Mais alors, on va vous parler de ça. Moi, j'étais sur place. Alors, on va vous parler des combats, des résultats. Et potins et nouvelles, évidemment, avec l'homme nouvelle lui-même au cours de l'émission. Et on l'accueille à l'instant. Bonjour, Fred. Salut Ken, comment ça va? Ça va super bien, toi aussi? Oh ouais, super bien, une belle semaine. Une belle semaine. Puis, tu étais au Centre Bell hier. Les Canadiens ont pas manger une volée, mais ils ont perdu, ça me suffit pour égayer au moins ma prochaine année. Ben moi c'était la première game vraiment que je regardais de l'année là. Alors, on va espérer que ça va s'améliorer pour eux, mais l'important c'est qu'il y a du bon MMA à venir. Alors, on se réjouit avec ça. Oui, on parle d'un vrai sport de combat. Alors, qu'est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui? J'ai fait un petit tour rapide tout à l'heure, mais là, je vais y aller avec. En fait, j'ai déjà tout dit. On niaisera pas. On commence tout de suite. On rentre dedans. On va vous parler de la MFL. Ça a eu lieu hier, c'est-à-dire samedi, le 17 octobre, au centre Claude Robillard. Et c'était le début d'une toute nouvelle organisation. Alors, on va faire le tour des combats. J'étais sur place, alors ben, je vais pouvoir vous en parler avec précision et beaucoup d'intensité. Ah! Alors, commençons avec le combat principal de la soirée, qui opposait Thierry Kenville et son adversaire, Tim Tamaki. On a fait le tour de la carte la semaine passée et, bon, je vous avais dit, Kenville avec une fiche de 14 et 8 et son adversaire, bien lui, c'était complètement l'inverse, donc 8 et 14. Alors, ça donnait droit à penser que le pauvre Tamaki allait en manger toute une. Et ce fut le cas, effectivement. Tamaki a perdu le combat assez rapidement. Par soumission, Kenville, trop fort, je pense, dans toutes les phases du combat, est allé chercher la victoire. Alors, une belle victoire pour Thierry Kenville. Ça lui en fait trois consécutives pour Thierry Kenville et deux en l'espace de un mois, parce qu'il a combattu, lui, il n'y a pas très longtemps, notre ami Thierry Kenville, qui va chercher une belle victoire, lui qui a battu successivement là, dans ses deux autres combats précédents, Paul Reed et Douglas Evans. Face à Reeds, bon, ça s'était rendu à la décision. Et là, quelques semaines plus tard, eh bien, il va chercher une victoire par étranglement arrière. Ça s'est réglé, ça, à 2 minutes, 1 seconde du premier round. Alors, Thierry Kenville l'emporte, va chercher donc sa 15e victoire et sa 8e par soumission. Évidemment, dans son coin, on avait tout le clan du Tristar qui était là pour supporter Thierry Kenville. Et dans le cas de Tamaki, bien là, une 15e défaite. C'était bon. Peut-être pas la confrontation du siècle entre Kenville et Tamaki, probablement pas le combat final rêvé pour le début de l'organisation MFL. Honnêtement, c'est mon opinion bien personnelle. Mais pour le reste de la carte, là, honnêtement, ça a donné droit à des combats très excitants. Alors, continuons avec le deuxième combat principal de la soirée qui opposait Guillaume de Lorenzi, la fierté de Québec, représentant du Nordic Fight Club, qui était là pour affronter un Français qui s'entraîne depuis un an à Las Vegas, du nom de Sébastien Garguis. Probablement que vous ne le connaissez pas pour ceux qui sont du Québec, puis pour ma part, je ne le connaissais pas non plus. Et bon, faut dire que de Lorenzi a dominé le combat de bout en bout et est allé chercher une victoire. Est-ce que bon, l'arrêt était prématuré de la part de Jerry Boland, l'officiel du combat? Pour ma part, je dois dire, je pense pas qu'il a commis une erreur. Puis pour les gens qui m'ont peut-être déjà entendu sur une autre émission de radio sur un autre site. Bon, Jerry Boland, c'est pas l'arbitre que je préfère en MMA, loin de là. Mais cette fois-ci, je suis pas prêt à lui jeter le blâme. Bon, peut-être qu'il aurait pu laisser continuer le combat, mais honnêtement, Sébastien Garguet ne nous a pas laissé entrevoir la possibilité qu'il puisse reprendre le dessus. Puis honnêtement, De Laurentiis a dominé de bout en bout, en lutte, debout aussi. Bon, paraissait beaucoup plus fort que Garguet physiquement, des mains plus lourdes, des jambes beaucoup plus lourdes. De Laurentiis a quand même des jambes très lourdes. Puis au sol également, De Laurentiis a démontré peut-être pas une grande finesse en soumission, mais il punissait quand même son adversaire là, à grands coups de matraque et des coups de poing virulents. Chaque coup était bien porté. Garguet a encaissé. Puis honnêtement, Garguet a démontré quand même qu'il avait beaucoup de cœur, a pas abandonné, loin de là, et était déçu et même, je pense, très déçu que l'arbitre mette fin au combat comme ça. Parce que, bon, de l'aveu de Garguet, ça semblait un peu trop tôt. Mais non, Jerry Bowlen en a décidé autrement à 4 minutes 43, donc à 17 secondes de la fin du deuxième engagement. Jerry Bowlen décide d'arrêter le combat alors que Guillaume de Lorenzi est sur Sébastien Garguet et lui donne de furieux coups de poing. Bon, Garguet ne semblait pas nécessairement en danger, mais était dominé. Puis effectivement, l'arbitre aurait pu laisser continuer le combat. Et le troisième engagement, qui sait, peut-être que Garguet aurait pu changer la situation de bord, parce que bon, on a discuté avec Ferid Kader, qui était dans le coin de Sébastien Garguet, et qui nous dit que sa plus grande force, c'est sa combativité et l'endurance de Sébastien. Et lui, bon, a l'impression que l'arbitre a arrêté le combat un peu trop tôt, mais pas plus que ça, là. Il est pas prêt, pas nécessairement fâché face à la décision. Je dirais plutôt déçu, mais lui aussi quand même a vu que De Laurentiis a bien combattu puis a dominé quand même à peu près tout le combat. Mais Garguet est demeuré là puis a démontré beaucoup de cœur, beaucoup de courage, beaucoup de cran. Puis on a l'impression là déjà qu'il veut retourner à l'entraînement assez rapidement. Je pense qu'il retourne à Las Vegas. Dans le cas de Ferid Kader, lui, on a appris qu'il va combattre le 30 octobre prochain en Floride, puis il refuserait pas peut-être un combat là, au Québec, c'est le genre de choses qui pourrait l'intéresser, et également ne refuserait pas une offre. Alors pour toute organisation là, québécoise, on a le Ringside maintenant, la MFL, UGC de Ali Nestor-Charles, et peut-être une toute nouvelle organisation de Nitro, je ne sais pas, qui sait. En tous les cas, on peut vous dire que Ferid Kader accepterait, je pense, si la proposition est intéressante, un affrontement face à Guillaume de Laurentiis. Il me semble que ce serait intéressant. Donc, avis aux intéressés. Alors, c'est M. Kader là, qui nous fait part de ça, qui il serait intéressé à un affrontement éventuel si les conditions lui sont favorables pour affronter Guillaume de Laurentiis. Mais avant ça, évidemment, il y a un cas à régler le 30 octobre en Floride pour Ferid Kader. Et Alors, ça, oui, toi, vas-y. si t'as une petite prédiction tout de suite à faire sur un affrontement entre, je veux pas m'arganer son nom, que t'as dit, et De Laurentiis. Ben, honnêtement, je peux pas te dire que je connais Ferid Kader tant que ça, mais sur sa fiche, là, je vois qu'il y a une belle fiche, là, quelque chose comme 13 et 5, si je me trompe pas, j'ai pas sa fiche devant moi, mais je pense que c'est ça, 13 victoires pour 5 défaites, quelque chose qui ressemble à ça, puis il n'a jamais été soumis. Il n'a jamais subi de KO ni de TKO. Je pense que c'est 5 défaites, c'est tous par décision. C'est un gars solide, puis évidemment, c'est un judoka olympien. Là. Il a participé aux Olympiques. Là, je ne vais pas dire de conneries, mais de mémoire, je pense que c'est en 2000. Et puis, il avait terminé 7e dans sa catégorie de poids. Un gars très fort. Ce serait intéressant parce que, bon, la plus grande force de Laurentiis, c'est sa force physique, une bonne lutte également, puis domine ses adversaires au sol lorsqu'il est en position dominante, évidemment. Mais face à un Ferid Kader, qui est un bon combattant, qui son dernier combat, c'était pas contre un dernier venu, c'était contre un Japonais qui s'appelle Daisuke Nakamura. Alors, il me semble que ça pourrait être un bon combat, ça, un retour de Ferid Kader, un combat ici au Québec face à Guillaume de Laurentiis. Puis De Laurentiis, je pense qu'il est prêt, là. C'est un très gros 155 livres. Il y a juste une défaite à sa fiche avec De Laurentiis. C'était face à Joey Coppenhaver, qui s'appelle maintenant War Machine. Puis War Machine était quand même pas mal plus gros que De Laurentiis. Puis De Laurentiis avait pas mal fait dans le combat. Il me semble en lutte, avait réussi à renverser la vapeur avec une ou deux occasions, mais à un moment donné, ça en était trop, puis War Machine était beaucoup trop gros. Mais à 155 livres, De Lorenzi, c'était ton deuxième combat dans cette catégorie de poids-là. La première fois, on m'a dit qu'il y avait eu peut-être quelques difficultés à faire la coupure ou il avait réussi à faire la coupure, mais était peut-être affecté. Mais là, semble s'être très bien adapté là, pour ceux qui ont vu sa performance hier. Probablement une des performances les plus dominantes de la soirée. Là, je pense, là, coup de chapeau à Guillaume de Lorenzi, la fierté de Québec, qui a très bien fait, qui a dominé quand même l'entièreté du combat. Et en tout cas, moi, ça m'intéresserait un affrontement éventuel entre Ferid Kader et Guillaume de Lorenzi. Alors, peut-être que quelques organisateurs sont à l'écoute puis pourraient nous proposer un affrontement comme ça là, en fin d'année. Ça pourrait être très intéressant. Oui, ça pourrait attirer de très belles foules aussi, je pense. Ça serait pour un combat lo local, ça aurait un aspect intéressant. Oui, c'est ça. Puis honnêtement, Guillaume de Lorenzi, là, c'est un des combattants très prometteurs au Québec. Très solide, puis à 155 livres, là, moi, je pense que c'est pas mal sa division, là. Les combattants québécois à 155 livres, on va avoir des difficultés à déloger de Lorenzi, même s'il y a quand même du talent au Québec. Ça va nous donner droit à des combats fort intéressants dans l'avenir, ça, j'en suis persuadé. Maintenant, le combat qui précédait cet affrontement-là entre De Lorenzi et Garguier, c'était un combat qui opposait un autre combattant très prometteur au Québec, du nom de Derek Gauthier, qui combat 170 livres. Et là, il affrontait un Mike Medrano. Plusieurs comparent Derek Gauthier à Georges St-Pierre, peut-être du côté de l'aspect physique, puis en même temps aussi Derek Gauthier est entouré de Stéphane Potvin également, qui lui, bon, était là pour le départ de Georges St-Pierre en MMA. Alors, c'est peut-être un peu similaire. Moi, j'ai vu les accélérations dans le combat qui me faisaient penser un peu à Georges St-Pierre. Derek Gauthier, en tous les cas, lorsqu'il est dans l'octogone, il a l'air d'un combattant professionnel en MMA. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si on peut lui trouver des ressemblances avec Georges St-Pierre, hier, son adversaire avait l'air d'un Matt Serra, beaucoup plus petit que Gauthier, là, devait y concéder. Il y a plusieurs pouces, 4-5 pouces assez facilement, Medrano, mais quand même une charpente assez impressionnante, là. Physique peut-être de je dirais là de culturiste là, une masse musculaire très impressionnante, Mike Medrano. Puis honnêtement, moi, il m'a surpris hier, Mike Medrano, que je ne connaissais pas, là, que j'ai jamais vu combattre avant hier, mais il a plutôt bien fait, surtout au premier engagement. Mais après ça, peut-être démontrer des signes de fatigue, probablement à cause, évidemment, de tout ce tas de muscles. À un moment donné, ça doit être difficile. Le cœur a de la difficulté à pomper, mais il a quand même bien fait, a démontré lui aussi là, du courage. Puis il était là pour se battre. Il n'a pas décidé d'abandonner jamais dans le combat. Mais malheureusement pour lui, il encaisse une troisième défaite consécutive et une cinquième défaite en 9 combats. Puisqu'il a maintenant une fiche de 4 victoires et 5 défaites. L'arbitre a décidé d'arrêter le combat et c'était là une très bonne décision. Faut le dire là, Gauthier l'a dépecé tout au long du combat. Premier engagement, distribué de bons coups de pied. Gauthier est capable d'utiliser ses deux jambes, sa jambe avant, sa jambe à gauche et souvent. La jambe de Gauthier heurtait Medrano, les jambes de Medrano plus exactement. Puis ça a paru au deuxième, au troisième engagement. Medrano, ça lui tentait moins de recevoir des coups de pied dans les jambes. Il avait des difficultés à se déplacer. Puis là, Gauthier a monté un peu des coups de genou à l'abdomen. Puis là, vraiment, Medrano était plus capable, il avait plus de souffle. Puis au troisième round, là, en milieu de troisième round, il était plus capable, même pas de lever les mains, rien. Il bloquait les coups avec sa face, là, faut le dire littéralement comme ça. Et quand même solide, Medrano, là. Il n'a pas bronché, il n'est pas tombé. Mais à un moment donné, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat parce qu'il a bloqué les coups avec sa face. À un moment donné, ça se peut qu'il se passe quelque chose de pas très intéressant. Et c'était une très bonne décision de la part de l'officiel. Et Medrano, honnêtement, n'était pas déçu de la décision de l'officiel, là. C'était évident que Gauthier allait en finir assez rapidement. Belle domination de Derek Gauthier, surtout debout. a pas tenté d'amener son adversaire au sol très souvent dans le combat. Puis lorsqu'on est allé au sol, bon, Gauthier, on sait que c'est quand même très réputé pour avoir un sol, l'un des bons combattants à 170 livres au sol au Québec, là, parmi l'élite, ça, il y a pas de doute là-dessus. Puis il a encore très bien fait dans le cas de Derek Gauthier qui va chercher une cinquième victoire. Et il faut dire, dans son cas, lui n'a pas encore subi la défaite. Et ce serait peut-être, bon, à l'époque, Dolorendi était à 170 livres, là, descendu de catégorie de poids. Mais il me semble que ça aurait été un affrontement très intéressant entre Dolorendi et Gauthier. Mais là, bon, puisque Dolorendi est descendu à 155 livres, ce combat, là, bon, probablement n'arrivera jamais. Par la suite de ça, on avait un affrontement Yann Pellerin face à Jason Cecil, mais Pellerin était pas là. A été remplacé par Tom Murphy et Tom Murphy a téléchargé la victoire par étranglement arrière au deuxième engagement face à Jason Cecil. Alors, dans le cas de Jason Cecil, ça va pas très bien pour lui. Il va chercher une autre défaite pour Jason Cecil. Puis là, dans les deux cas, c'est pas des combattants québécois. Ça nous intéresse peut-être un tout petit peu moins. Probablement qu'on aurait été plus intéressé si notre ami Yann Pellerin aurait été là, mais il n'y était pas. Alors, une neuvième défaite dans le cas de Jason Cecil, lui qui a quatre victoires. Par la suite, le retour de Marcus Célestin qui affrontait Mark Blackburn. Alors, Mark Blackburn, c'est le gars de Chicoutimi-Jonquière, dans le coin, en tous les cas, qui, dans ses deux premiers combats, est allé chercher des victoires très expéditives. Je ne sais pas si c'est un record, là, mais je pense là, dans ses deux premiers combats, il y a eu un KO en 9 secondes et l'autre en 6 secondes, quelque chose comme ça. Puis les deux fois, c'était grâce à sa jambe arrière. C'est un gaucher, si je ne me trompe pas, Blackburn. Puis il avait surpris bien des gens parce qu'on disait de lui que sa force n'était pas nécessairement debout, mais plutôt son jeu au sol, puis pour amener ses adversaires au sol. C'est un gars de judo, Mark Blackburn, de ce qu'on m'avait dit. Et puis il s'entraîne avec l'équipe de Yaskevitch, là, au Saguenay, Jonquière plus précisément. Alors très solide, mais Blackburn encaisse une deuxième défaite consécutive. Lui qui a offert une très belle performance dernièrement face à Chris Clemens. Ça fait pas longtemps de ça, cet affrontement-là. Et puis là, déjà quelques semaines plus tard, ben, affrontait Marcus Célestin dans un combat prévu à 185 livres. Mais bon, Blackburn, lui, a respecté la pesée, mais dans le cas de Célestin, lui, a des passé la pesée quand même de manière assez forte, là. Il était à 190 livres. Alors, ça l'avantageait. Puis on l'a vu également dans l'octogone. Il semblait un peu plus massif qu'un Blackburn. Et Célestin remporte le combat. C'était son premier combat depuis 2007 dans le cas de Célestin. Et il va chercher une quatrième victoire. Lui qui a trois défaites. Et Célestin, lui, c'est un gars du Tristan maintenant. Il s'entraîne avec les Georges Saint-Pierre et tout ça. Il est très bien entouré. Firas était dans son coin. Alors, une belle victoire. Par TKO au premier round dans le cas de Marcus Célestin. Et j'ai l'impression, lorsque j'ai vu Mark Blackburn tomber au sol, puis je pense pas que c'était un coup nécessairement qui l'a knocké tant que ça, mais il a tout de suite tapé. Blackburn, c'est un gars de 31 ans, c'était son anniversaire d'ailleurs hier. Bon, c'était peut-être pas le cadeau rêvé pour lui, et peut-être c'était son dernier combat professionnel. Je me souviens d'avoir entendu Mark Blackburn, je me souviens plus à quelle occasion, ça fait peut-être un an de ça, que son but, ce n'était pas nécessairement une carrière professionnelle, c'était juste une aventure pour lui. Puis, étant donné que ses deux premiers combats avaient été plus que bien, là, incroyablement bien, avec des victoires expéditives et spectaculaires, bien là, il a roulé sa bosse comme ça. Puis là, Chris Clemens, dans son dernier combat, Marcus Célestin, c'est pas n'importe qui. C'est peut-être allé un peu trop vite dans le cas de Mark Blackburn, mais il en a profité. Et je ne sais pas s'il va faire un autre combat, mais on peut penser que c'est peut-être terminé dans le cas de Mark Blackburn, qui a très bien fait. Si je ne m'abuse, il est enseignant en éducation physique, alors d'autres chats à fouetter également. Puis débuter une carrière à 30 ans en MMA, ça peut être difficile, mais il a quand même déjà marqué le sport au Québec avec ses deux victoires très expéditives et spectaculaires qu'il a réussi là, dans la dernière année. Dimitri Wonderburn, qui est le fils du promoteur de l'événement, était là pour représenter le Speedy Gym de Granby. Il affrontait Pierrot Marcoux, qui lui s'entraîne à Drummondville sous les ordres de Yann Bergeron, qui est une Victoire de Dimitri Wonderburn par décision unanime, 29-28, 29-27, 30-27, c'est la décision des juges, mais c'est un combat chaudement disputé. Puis honnêtement, Marcou, qui est un gars de kickboxing, comme tous les gars de Yannick Bergeron, moi, il m'a surpris. Au sol, a démontré de très belles qualités, très créatif également, a tenté là, à peu près toutes les soumissions possibles, là, en passant par l'omoplata, des clés de bras et un triangle, si je ne m'abuse également. Mais malheureusement, peut-être manque un peu de maturité et d'expérience plutôt au niveau du sol pour compléter ces tentatives de soumission-là. Mais peut-être une année ou deux de plus d'expérience, puis Marco aurait probablement réussi à terminer l'une de ces tentatives de soumission-là. Mais Dimitri Wonderbird, comme d'habitude, courageux et c'est pas le gars à lâcher. Toujours spectaculaire et a réussi de se sortir de chacune de ses tentatives de soumission-là. Puis a dominé le combat debout également. Alors, une victoire, mais un bon combat, chaudement disputé, mais c'est Waterburn qui a la victoire en bout de ligne. Et dans son cas, c'est sa troisième victoire, lui qui a quatre défaites. Et dans le cas de Pierrot Marcou, il encaisse une deuxième défaite, lui qui a une victoire. Et on se rappelle, sa victoire, il l'avait acquise face à Steven Lamy. Ok, Stéphane Chrétien, un gars de judo qui affrontait Kevin Morin, qui s'entraîne avec Steve Claveau pour l'équipe Team Légion. Et c'est Stéphane Chrétien qui va chercher la victoire face à Kevin Morin par étranglement arrière. Ça s'est fait au deuxième engagement à 3 minutes 09. Un bon combat. Et Chrétien, je pense, a démontré peut-être plus fort physiquement que Kevin Morin et un peu plus. Dans les détails également au sol, Kevin Morin est pas mauvais au sol, loin de là. Mais je pense que Chrétien a démontré qu'il avait plus d'expérience. Et c'est des petits détails qui font la différence. Morin a tenté un étranglement arrière au début du deuxième engagement. Ça n'a pas marché. Chrétien a réussi à s'en sortir. Et finalement, c'est Chrétien qui a réussi à le soumettre par la fameuse arme de l'étranglement arrière. Une belle victoire. Et j'ai Stéphane Chrétien qui, bon, après le combat, nous a parlé, nous a vanté le judo. Ça, je trouve ça bien. Dans l'entrevue d'après-combat, parler de judo et d'une compétition qui avait lieu, je pense, dans le coin de Montréal en fin de semaine. Alors, c'est intéressant de voir les judokas également, plus traditionnels, les arts martiaux traditionnels, se joindre au MMA. Ouais, moi j'aime bien ça, mon gars, il en fait du judo. Alors, à chaque fois que ça soit Akiyama, Parisienne et n'importe qui d'autre avec un background de judo dans le MMA, j'aime ça les regarder. Oui, puis tu viens de nommer Parisienne, là. Moi, c'est peut-être un de mes préférés là, qui se combat dans le UFC. Parce que, bon, il y a beaucoup de gars qui ont une bonne base en judo. Mais le judo traditionnel, des fois, c'est pas nécessairement parfaitement applicable là, en MMA. Mais un gars comme Caro Parisienne, il me semble le judo le plus adapté pour le MMA. Puis c'est très efficace pour lui. Oui. Des fois, moi, je trouve que on dirait que peut-être c'est un style un peu trop agressif une fois qu'ils sont en clinch, là. Et peut-être c'est pour ça que ça se traduit moins. Puis comme tu dis, Parisian, lui, a un style plus varié au MMA comparé à d'autres judokas qu'on a vus, là. Mais moi, j'aime beaucoup voir les judokas dans le MMA. Ils sont rares et ça apporte un nouvel aspect, si on veut. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et je termine avec quelques autres combats. Un autre gars du Nordic Fight Club, donc de Québec, qui était là, qui va chercher la victoire lui aussi. C'est sa première victoire professionnelle, puisqu'il avait subi la défaite là il y a quelques temps à peine. Ce Guillaume Fortier de Québec avait perdu au Ringside, le troisième événement de Ringside, par Kimura face à Benoît Guillonnet. Mais cette fois-ci, Fortier va chercher la victoire sur un autre étudiant du clan de Yann Bergeron de Drummondville, Éric Dumaine, qui évidemment sa grande force est debout, mais a jamais vraiment réussi à utiliser ses armes debout, ni ses jambes, ni ses bras. Peut-être ébranlé Fortier à une ou deux reprises dans le combat, sans plus, Fortier toujours en mode offensive, a réussi à amener Dumaine à maintes occasions au sol. Tenter quelques techniques de soumission, mais rien vraiment qui a réussi, là, qui même on ne s'est pas approché de rien pour réussir, mais a dominé le combat de bout en bout. Peut-être pas le plus spectaculaire combat de la soirée, mais quand même une première victoire pour Guillaume Fortier qui va chercher une décision partagée, 29-28. pour deux juges et 29-28 pour le second juge. L'un des trois juges, plutôt. Alors, Jeff Royer, tant qu'à lui, affrontait Sébastien Vachon. Sébastien Vachon du Speedy Jim. Jeff Royer en était à son deuxième combat professionnel. Et il va chercher la victoire. Jeff Royer, donc une deuxième victoire. Sa première, il avait battu Sébastien Desroy par TKO. Et cette fois-ci, Jeff Royer réussit une clé de bras à 4 minutes 16 du premier engagement face à Sébastien Vachon. Alexio Garcia affrontait TJ Colletti, deux adversaires que je ne connaissais pas du tout, mais Garcia quand même a démontré un physique là, assez impressionnant, beaucoup plus que TJ Colletti. Et Garcia va chercher la victoire à 3 minutes 34 du premier engagement par TKO. Et Bruno Lurette, et ça c'est le premier combat de la soirée que j'ai pas vu, là. Je suis arrivé pour le deuxième combat. Bienvenue, Bruno Lurette est allé chercher la victoire face à Fred Bélanger par décision unanime, 29-28 pour deux juges, 29-27 pour un autre juge. Alors c'était ça pour cette soirée-là de la MFL qui a eu lieu samedi le 17 octobre passé. Et il y avait quand même quelques dignitaires intéressants lors de cette soirée-là. Georges St-Pierre y était, David Loiseau, Jonathan Goulet était là. Et le prochain rendez-vous pour la MFL devrait être en mars 2010. Et on a déjà très hâte quand même une soirée, somme toute, réussie, avec des bons combats, bien disputés. Moi, bon, j'ai peut-être quelques critiques pour le combat principal. Thierry Canville, beaucoup trop fort pour un Tim Tamaki. Et sur papier et dans l'octogone, parce qu'il l'a prouvé, était supérieur. Mais sinon, là, quand même, une très belle carte dans l'ensemble. Des combats qui sont allés debout au sol. Bien diversifié tout ça. Alors, on a déjà hâte au prochain rendez-vous de la MFL. Alors, peut-être je vais vous parler de quelques petits potins qui ont eu lieu lors de cette soirée-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, je vous ai parlé qu'il y a quelques combattants qui n'ont pas respecté la pesée. Bon, il y a Thierry Canville qui, lui, bon, devait faire une deuxième coupe de poids en moins d'un mois. Et ça a été plus difficile. Il devait faire le combat à 145 livres, mais à la pesée, a fait 147,8. Dans le cas de Sébastien Garguier, bon, le combat était à 155, mais il a pesé à 155,7, c'est pas dramatique. C'est Marcus Célestin, peut-être, dans son cas, là, a dépassé de beaucoup. Un combat prévu pour 185, bien, il a fait 190 à la pesée. Alors, quand même, à plus de 5 livres qui excédaient le poids supposé du côté de Marcus Célestin, qui était à un retour en combat professionnel. On peut peut-être lui pardonner. Il y a Pierre-Étienne Marcoux également qui a dépassé un tout petit peu. Là, le combat était à 135, mais il a fait 136,9. Et il y a Jeff Royer également qui était à 163,1 livres face à Sébastien Vachon. Un combat prévu pour 155 livres. Et bon, mais ceux qui n'ont pas respecté la pesée vont se faire retirer 20% de leur bourse. C'est comme ça que ça marche. Et c'est leur adversaire, j'imagine, qui vont chercher ce 20%-là. Normalement, dans l'UFC, ouais, c'est comme ça que ça marche, puis j'imagine c'est partout comme ça. C'est de valeur un peu, comme tu dis. Ce qui est le plus de valeur là-dedans, c'est que les deux combattants, dans un combat, ils perdent du poids. Alors, s'il y en a juste un des deux qui atteint son poids, des fois, on peut se demander s'il a perdu plus d'énergie en même temps que celui qui n'a pas atteint le poids. Alors, c'est un petit peu décevant. J'espère qu'on ne reverra pas ça aussi. Pas à aussi grande échelle, en tout cas, là, mais. C'est effectivement, je pense, ça dénote à un moment donné, je peux comprendre un combattant que ça puisse arriver là, dans la vie d'un combattant à un moment donné. Surtout, bon, oui, on est dans des galas professionnels, mais on ne se le cachera pas, là, ces gars-là, ils vont pas chercher des gros montants par combat. Il y a personne qui peut faire un combat là, puis vivre là-dessus pendant 2 ans, là. Ils vont chercher un salaire, puis bon, en même temps. Plusieurs de ces combattants-là, peut-être, peuvent pas s'entraîner nécessairement à temps plein tout le temps, là. Je pense que Thierry Canville, dans son cas, ce qu'on m'a expliqué, avait un travail également à part de ça. Puis, bon, lui a dépassé de 2 livres et un petit peu plus. C'est peut-être un peu moins dramatique, mais qui était rendu à 5 livres, là, qui dépassent la limite. À un moment donné, peut-être il y a eu un problème à quelque part. Et si c'est des choses qui se reproduisent souvent, ben là, je trouve que c'est un manque de respect envers ben, ses adversaires, là. Parce qu'effectivement, si Mark Blackburn, lui, a fait cette descente-là, cette coupe de poids-là. Son adversaire, lui, bon, 190 livres, là, quand même, avait quelques livres de plus. Mais honnêtement, moi, ce que j'aime avec le MMA, c'est que c'est pas juste une question de poids nécessairement aussi, là. On a vu ça dans des événements, là, dans le passé, que des combattants qui avaient beaucoup plus de livres et de kilos que ses adversaires, mais c'est pas toujours le plus gros qui gagnait. Mais évidemment, là, à qualité égale, ce sera toujours le plus gros qui va l'emporter. Non, c'est sûr. Puis c'est aussi montrer son professionnalisme, je pense, parce que si on veut aller dans les grandes ligues, l'UFC puis la WEC, ils vont regarder ces choses-là avant de signer un gars. Ils signeront pas un gars pour qu'il se batte à 155 livres si deux fois sur cinq, il réussit pas à faire le poids. Alors, c'est montrer du professionnalisme pour monter plus haut. Ça fait partie de toutes les qualités qu'il faut. Oui, ben, entièrement d'accord avec toi. Parce que, bon, supposons, à un moment donné, parce qu'il y a du talent au Québec, là. Je pense que c'était des Guillaume Delorenzi, d'Éric Gauthier hier, là. Dans le cas de Delorenzi, moi, il m'a beaucoup impressionné encore une fois. Ce gars-là, bon, il peut se rendre beaucoup plus loin, puis dans des organisations très prestigieuses. Puis, disons, à un moment donné, ben, t'as la chance d'avoir un combat de championnat. Mais si tu respectes pas les limites, bien là, tu gâches. Le combat de championnat se transforme en pas que ce soit pas un combat de championnat. Puis ça peut ruiner nécessairement des fois les promotions, puis toute la mise en vente d'un événement. Puis ça peut évidemment là, les organisations importantes bon, vont pas apprécier ça. Ça va dans un CV d'un combattant. Alors, là-dessus, ben, juste pour vous redire, monsieur, lorsque j'ai parlé à monsieur Kader, là, Ferid Kader, bien, il nous a mentionné qu'il allait combattre le 30 octobre en Floride et en même temps, il nous a glissé que David Loiseau, il combattra aussi. Puis, après quelques recherches, on n'a pas eu la chance de confirmer avec David Loiseau lui-même, mais sur le site internet d'une organisation, bien, on mentionne effectivement que David Loiseau devra faire un premier combat là, depuis sa défaite qu'il avait encaissée dernièrement à Montréal. Donc, on dit dernièrement, c'était en avril, là, au Centre Bell pour l'organisation UFC, dans un combat que moi, j'ai pas vu parce que c'était pas sur le pay-per-view. Et mon ami Fred Garcia, je pense, était au Centre Bell, puis il l'a vu. Puis bon, de l'avis d'à peu près tout le monde, ça n'a pas été nécessairement une très grosse performance pour David Loiseau. Non, mais il y avait sûrement les questions de nerfs et tout. David Loiseau a juste 29 ans, alors encore un bel avenir, là. Ah oui. Faut pas l'oublier. Plein de talent, David Loiseau. Puis bon, le 30 octobre, supposé faire un retour pour l'organisation Cage Wars. Et en même temps, je pense que c'est toi qui nous mentionnais ça, Fred, il y a une semaine ou deux. Ben, à la fin du mois d'octobre également, il était supposé passer des auditions pour la prochaine série The Ultimate Fighter, si je me trompe pas. Ben, c'était dans ses plans, ça, je sais pas, on n'a jamais réentendu parler. Il avait glissé son nom. Honnêtement, je sais pas comment que ça fonctionne. Qui reçoit une invitation, qui peut y aller? C'est-tu ouvert à tout le monde? Les try-outs, je ne sais pas. Alors, je sais qu'il avait glissé son nom. C'était peut-être une façon pour lui de vouloir se faire inviter, peut-être, je sais pas, là, je fais juste glisser une supposition. Parce que l'histoire n'a pas vraiment débarquer à d'autres points, là, on n'a pas entendu plus parler de ça. Alors, pour le moment, on dirait que c'est en Floride le 30 octobre pour David Loiseau, selon South Cage Wars. Alors, on va se fier à ça pour le moment. Alors, ben, je termine en disant que je rappelle peut-être aux promoteurs de diverses organisations là au Québec, Monsieur Ferid Kader mentionne qu'il n'est pas sous contrat avec aucune organisation là. Alors, il est libre d'accepter à peu près tous les combats pour l'instant, même s'il y en a un de prévu pour le 30 octobre. Bien, Feder est disponible. Et puis, bon, lorsque je lui ai demandé s'il il accepterait un affrontement face à Guillaume Delorenzi. Eh bien, lui, il est pas contre ça, mais pas du tout. Alors, il est prêt à négocier ça. Alors, ça pourrait être intéressant. Moi, j'aimerais bien voir un combat, un judoka très plus que respectable, un judoka qui a participé aux Olympiques, face à Guillaume Delorenzi, qui a une bonne lutte, qui est une lutte agressive. Ça pourrait donner droit à un bon spectacle, ça. Puis, avec la MFL puis Ringside, là, on a deux organisations quand même qui livrent la marchandise. Bon, la MFL, c'est le premier événement, mais honnêtement, c'était un bel événement avec des bons combats. Mettre des Guillaume DeLorenzi puis des Derek Gauthier sur la même carte, des combattants très prometteurs. Thierry Kenville, qui n'est pas piqué des vers non plus. Puis à travers ça, bon, Mark Blackburn qui était là, Marcus Célestin pour son retour, Dimitri Wonderberg qui donne toujours des bons spectacles. C'était quand même une très belle carte, puis Ringside également. Alors, je pense qu'on va avoir droit dans les prochains mois à d'autres bels événements ici là, au Québec. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, du côté du Ringside, il y en a un prévu pour le 14 novembre. Et là, peut-être dans la prochaine émission, je vous confirmerai la date exacte. Là, je ne l'ai pas en mémoire, mais il me semble que c'est le 14 novembre à Drummondville. Puis là, on pourrait voir le match retour entre Kevin Morin et Chris Boisvert. Boisvert qui s'entraîne avec le clan de Yannick Bergeron et Morin avec Team Claveau de Steve Claveau, évidemment. Deux clans dont il y a un peu d'animosité entre les deux clans, mais on semble se respecter. Ça, on apprécie ça, mais on règle ça dans l'octogone. La première fois, bon, l'arbitre c'était Jerry Boland, puis bon, tant qu'à moi, avait fait une très grosse bourde en arrêtant le combat. Et là, je pense que Chris Boisvert veut sa revanche, et ça serait très intéressant de voir ce combat revanche-là en novembre dans l'organisation Ringside. Et puis, on note également le retour de Steve Vigneault, Cœur de Lion, pour ce même événement-là. Alors, c'est à suivre dans votre émission La Voix des Guerriers et également sur mmanouvelle.com pour voir ce qui va se dérouler dans les prochains mois sur la scène québécoise. Fred, mis à part ça, on a d'autres résultats d'un autre événement. Je pense que tu as ça entre les doigts. C'est l'événement qui se tenait à quel endroit donc? Il me semble que c'était En Hollande. en Hollande, c'est ça? Juste un instant parce que je l'ai plus devant mes doigts et Hop, je vais c'est pas l'avoir grave. dans 30 secondes, même pas, et voilà, on l'a. Oui, ben C'était je le. peux. Le Vas-y, Ultimate Fred. Glory, je peux tout de suite vous dire que les deux combattants que je voulais le plus voir ont gagné. Sammy Schilt en KA1 et Alistair Overeem en MMA. Overeem a battu son opposant par soumission. J'ai pas vu le combat, j'ai juste vu une petite séquence là. Que j'ai mis sur le site web. Ça couvrait pas mal tout le combat. Il a détruit un opposant qui n'était pas vraiment de De niveau, on calibre. pourrait dire, là. C'est de Donc, pas plus. valeur, parce que Overeem est un beau talent et on semble pas savoir où c'est que sa carrière s'en va, moi, je trouve. Alors, c'est un peu décevant dans son cas, le plan de carrière qu'il prend, là, la voie, si on veut. Il n'a pas pris Oui, la mais là, voie des guerriers encore. Non, mais c'était un combat quand même, je pense, dans son coin, dans son patelin. Peut-être, vous c'est juste un réchauffement Ouais, parce qu'il t'as a été raison. absent. Il a été absent à cause de blessures à une main dans une bagarre dans un bar avec son frère Valentin qui bon je dis Valentin là, ben, je sais pas comment ça se prononce son nom, on va l'appeler Valentin son frère. Il a eu une bagarre dans un bar puis il a été blessé à la main. Il devait disputer des combats pour le Strike Force mais c'est pour ça qu'il a été absent. On va le revoir très bientôt au Strike Force puis je pense que prochainement ben, la semaine prochaine il y a des rumeurs là faisant état plus que des rumeurs un peu même que Dream c'est toi qui me disais ça là on utilise son image pour la promotion de l'événement qui aura lieu le 25 octobre. Alors on peut penser qu'il va y être. Puis ça a été une petite facile hier pour Alistair Overeem, c'est juste délier les muscles, un petit réchauffement, il s'est payé un Tony Sylvester, il va probablement pouvoir se payer un autre peut-être adversaire un peu de bas étage la semaine prochaine. Puis on va le revoir en 2010, en feu notre ami Alistair Overeem pour l'organisation Strike Force et défendre son titre de champion poids lourd de Strike Force parce qu'on l'oublie, mais c'est lui le champion. Et bon, ce sera qui? Est-ce que ce sera Brett Rogers? Est-ce que ce sera Fedor? Qui va remporter ce duel-là? Et vraiment, la catégorie Strike Force poids lourd, là, qu'on pouvait trouver risible il y a quelques temps, ben là, on commence à avoir des noms intéressants. Oui, c'est sûr. Je suis pas aussi convaincu que ça. Je sais qu'on a parlé cette semaine justement du fait que Overeem pourrait défendre sa ceinture en début 2010, mais il n'y a rien de concret encore sur papier. Alors, avec le fait que Overeem, il me semble, c'est en 2008 qu'il a remporté, ou 2007 même, qu'il a remporté sa ceinture contre Buentello, il ne l'a pas défendu depuis. Moi, je vais le croire quand il va avoir quelque chose de plus de concret là, en ce moment. Je trouve que Overeem, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans le Strike Force défendre sa ceinture et il n'y a rien à nous montrer que ça va vraiment arriver. Ouais, non, t'as raison. Mais Fred, il me semble, est-ce que je me trompe, mais j'ai lu quelque part qu'on du côté de la Strike Force, on voulait unifier les titres avec l'organisation Dream. Oui, ça aussi, c'est un plan, mais encore une fois, c'est. Vous voyez, moi, quand j'ai raconté la nouvelle, j'ai écrit que Scott Coker a voulu sûrement se donner le rôle du bon gars parce que, en gros, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé devant les journalistes puis il a fait une proposition. Il n'y a rien de concret. Dream n'a pas accepté. Autant que je sache, il n'y a pas eu de grosses discussions. Il a lancé l'idée. Et en même temps, il s'est donné le rôle, tu sais, du bon promoteur. Mais si on regarde vraiment, que ce soit Dream ou Strike Force, même à deux, je trouve pas qu'ils ont rien de concret pour faire une vraie compétition à l'UFC encore. Alors, surtout dans les grosses divisions, peut-être dans les plus petits poids, mais je pense que c'était plus du marketing, du PR que Scott Coker faisait avec ça. Et je ne sais pas, j'ai un peu de mes doutes avec lui, là. Je commence à trouver qu'il y a beaucoup de blabla. On va croire que je vais croire quand je vais voir les résultats plus. Alors, il me semble qu'il y a des noms intéressants pour Strike Force. Moi, je commence à apprécier ça, là. Bon, Fyodor, tu sais, juste Oui. mentionner Fyodor, c'est Fyodor. Il y a personne, là. UFC, ils en ont pas de Fyodor. Oui, j'aime beaucoup les combattants qui ont tout ça. C'est juste comment qui nous présente ça, là, qui propose de faire des unifications. Il me donne l'impression vraiment, tu sais, qu'il veut se donner le rôle du bon promoteur. Regardez-moi les amateurs, j'essaie de faire de quoi de bien. Et je suis pas aussi convaincu que c'est vraiment son intention et tout. C'est plus réussir à promouvoir son produit et faire une compétition à l'UFC. Est-ce qu'il va être capable avec une telle association? Va falloir voir. Je suis pas encore convaincu, moi, personnellement. Ok. Bon, tu parlais précédemment ça de l'affrontement Semi Shield face à Alexei Ignashov, un Bélarusse. Puis moi, je vais te le dire, Semi Shield, c'est pas mon préféré. Puis j'aurais aimé qu'Ignashov aille chercher la victoire parce que dans le passé, le Bélarusse a déjà vaincu Semi Shield. Ça remonte déjà à plusieurs années. Là, par contre, là, c'était en 2004. Grâce à un coup de genou, parce que c'est sa force à Ignashov, mais depuis, il a des blessures, puis il a ralenti beaucoup, là, mais je suis un peu déçu, mais en tous les cas, l'Hollandais, Semi Shield, va chercher une autre victoire, le géant de près de 7 pieds, là, 6 pieds 11 exactement, ben, va chercher une victoire, puis comme tu l'as dit, Alistair Overeem, facilement une victoire, et ben, il n'y a personne qui est surpris de ça. Mais son frère, par contre, lui, il a perdu. L'arbitre a arrêté le combat à 40 secondes du premier engagement face à Nikolai Onikienko, très connu de ses parents. Pour la part de ça, bon, est-ce qu'on mentionne les autres résultats ou. Bon, Bon. non, je pense qu'on va aller à une petite pause. Il n'y a pas vraiment de nom connu. Oui. On va en. Peut-être. Dire que le combat de Semi Shield, c'était en K1, je ne me souviens pas si on l'avait dit. Puis le combat d'Alistair, c'était en MMA. Puis il y avait peut-être un autre combat de K1 qui pouvait vous intéresser. C'est Errol Zimmerman, un jeune combattant très prometteur qui a vaincu par décision unanime Randall Roach. Et une petite pause, le jus d'orange est à l'honneur ce matin.